fête est là, je ne vis que pour elle. Comme toujours après la prière, on déguste, la vie est belle. Au soleil ou sous la pluie, la picole, c'est ma vie. Au soleil ou sous la pluie, la picole, c'est ma vie. Au soleil ou sous la pluie, la picole, c'est ma vie. Assis devant mon demi, je ne peux plus attendre. Il faut qu'elle soit assouvie, assouvie. La passion vient de me prendre, j'ai oublié tous mes soucis. J'ai bien tapé ma petite amie. Au soleil ou sous la pluie, la picole, c'est ma vie. Au soleil ou sous la pluie, la picole, c'est ma vie. Au soleil ou sous la pluie, la picole, c'est ma vie. Au soleil ou sous la pluie, la picole, c'est ma vie. Les vides s'écoulent, la picole descend. Je ne peux plus me contrôler, ça je le sens. J'ai fini ma vie, je perds le contrôle. C'est pas ce qu'on m'en dit, c'est plutôt court mais plutôt drôle. Au soleil ou sous la pluie, la picole, c'est ma vie. Au soleil ou sous la pluie, la picole, c'est ma vie. Au soleil ou sous la pluie, la picole, c'est ma vie. Au soleil ou sous la pluie, la picole, c'est ma vie. Tu vas mon whisky, à couler au bar. J'ai l'air qu'on garde, je ris, car je ris. Et pas ma gosse me propose d'aller au lit. Le plaisir pour ma vie, mais la fête est infinie. Au soleil ou sous la pluie, la picole, c'est ma vie. Au soleil ou sous la pluie, la picole, c'est ma vie. Au soleil ou sous la pluie, la picole, c'est ma vie. Au soleil ou sous la pluie, la picole, c'est ma vie. Le matin, je me réveille avec la gueule de bois. Je me regarde dans la glace, plus de la mer, c'est pas moi. La gorge sèche, les yeux à peine ouverts. Mon poids me réclame encore une bière. Au soleil ou sous la pluie, la picole, c'est ma vie. Au soleil ou sous la pluie, la picole, c'est ma vie. Bière ou whisky, la picole, c'est ma vie. Bière ou whisky, la picole, c'est ma vie. Germain, Rossman, salue-moi, c'est comme Germain. En pas devant les pédos, moi je te jure, y'a pas photo. Regarde-toi, t'es pas énervé. Vraiment, moi je suis carrément posé. Au soleil ou sous la pluie, la picole, c'est ma vie. Au soleil ou sous la pluie, la picole, c'est ma vie. Au soleil ou sous la pluie, la picole, c'est ma vie. Au soleil ou sous la pluie, la picole, c'est ma vie. Merci.